Heure de musique sans aucune interruption avec naturellement plein de belles chansons françaises à l'intérieur pour vous accompagner notamment sur le trajet à travail, maison, encore au travail, peut-être ce soir ou bien déjà bien au chaud dans votre chez vous où que vous soyez. En tout cas, la musique sans interruption revient pour chanter avec Jackie Quartz, Gérald De Palmas et Jean-Jacques Goldman. Sirima, rendez-vous là-bas sur Chant de France après ça. Tous les matins, 9h, retrouvez la compile du matin. Choisissez vos trois plus belles chansons françaises. Chant de France les diffuse à 9h. La compile du matin. Dès maintenant, proposez vos trois chansons sur chantdefrance.com. Prolongez les fêtes avec Kia Sportage, le SUV au design iconique pour le plaisir des yeux et aux technologies avancées pour le plaisir de conduire. Jusqu'au 31 janvier, l'hybride est à partir de 287€ par mois. Kia Sportage Active Hybride 2 roues motrices, hors option et assurance facultative. LLD 37 mois, 30 000 km, premier loyer 5 000€, puis 36 loyers de 287€ TTC. Offre aux particuliers si accord Kia Finance. Garantie 7 ans. Conditions sur Kia.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Kia, du mouvement vers l'inspiration. Vous en connaissez beaucoup, des magasins qui, comme la paire, n'attendent pas la fin des soldes pour dégainer les meilleures remises sur les produits qui vous intéressent ? Bim, moins 80% par-ci, bam, moins 80% par-là, et paf, moins 80% ici, et pif ! Chez la paire, vous pouvez profiter de jusqu'à 80% de remise dès le début des soldes. Escaliers, fenêtres, cuisine, salle de bain, rangement, jusqu'à moins 80% sur une sélection de produits dès maintenant sur lapaire.fr et en magasin. Une offre comme ça, même chez la paire, il n'y en a pas deux. Conditions sur lapaire.fr. 130 ans sur les routes, ça en fait des kilomètres en Skoda. Il y a ceux que l'on parcourt seul, enfin pas toujours. Coucou mon chéri, c'est Mamie Lou. Ceux que l'on partage en famille. Les kilomètres qu'on fait pour la première fois et ceux qu'on finit par connaître sur le bout des doigts. Parce qu'on en a fait du chemin ensemble, célébrons cet anniversaire. Pour fêter nos 130 ans, profitez de 2 mois de loyer offert sans apport sur toute la gamme Skoda jusqu'au 31 janvier. 2 loyers offerts après premier loyer en LLD 37 mois sur toute la gamme Skoda, si accord par Volkswagen Bank. Détails sur skoda.fr. Portes ouvertes ce week-end. Skoda. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Auchan. Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher ? Eh bien, chez Auchan, on fait le choix de rendre accessibles des produits frais cultivés en France qui n'ont pas fait des milliers de kilomètres pour arriver dans votre assiette. Jusqu'à samedi par exemple, le lot de 3 kiwis verts origine France est à 1 euro seulement. 34 centimes la pièce ? Ça, c'est un bon cocktail d'économie. Auchan, le choix, le bon. 45 centimes vendus seuls, catégorie 1, calibre 33, variété Eward, valable dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Ah, ce risotto, un pur délice, c'est quoi ta recette ? Un risotto de lapin aux champignons. Ah mais oui, du lapin, c'est remarquable. Oui, j'avoue, le lapin, ça change du quotidien. Facile à cuisiner, une viande blanche équilibrée et savoureuse. Avec le lapin, faites-vous remarquer. Rendez-vous sur lapinremarquable.fr. Campagne financée avec l'aide de l'Union Européenne. Les plus grandes histoires vous attendent sur Disney+. Vers l'infini et au-delà. Dernière chance pour profiter d'une offre exceptionnelle. Disney+ est au prix de 1,99€ par mois pendant 12 mois sans engagement. Offre valable jusqu'au 21 janvier sur l'offre standard avec pub. Résiliation possible à la fin de chaque mois, voire conditions sur disneyplus.com. 17h56. 17h58, l'enfer, le périph. 18h. Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées. J'ai les cibles en vue. Elles ont fait le coup du siècle. L'une porte une doudoune déperlante de la marque Bonobo. Sa complice est vêtue d'un pull tout doux de chez Cache-Cache et du pantalon magique de chez Brial. Celui qui s'adapte à toutes les femmes. Pas de doute, elles ont profité des soldes chez Vibes. Vibes, c'est la boutique aux trois marques exclusives. Cache-Cache, Bonobo, Brial. Profitez de réductions jusqu'à moins 50% pendant les soldes. Vibes, votre style est là. Jusqu'au 4 février sur les produits signalés dans la limite des stocks disponibles. Voir conditions en magasin et sur vibes.com. Le pape est mort. Le trône est vacant. Aucun homme sain d'esprit ne veut la papauté. Les candidats les plus dangereux sont ceux qui le veulent. Vous devriez prendre garde, Thomas. C'est pas une guerre. C'est une guerre. Conclave au cinéma. Vous avez commandé des sushis mardi et vous avez envie de continuer votre voyage en Asie. Heureusement, avec l'abonnement Deliveroo plus Or, les frais de livraison sont offerts. Et en plus, vous cagnotez 10% sur vos commandes restaurant. Et hop, c'est parti pour des ramen. Non, un boboon. Allez-y, des ramen. Tiens, c'est votre Deliveroo. Ah, là on est très bien. Abonnement payant, condition de l'abonnement Deliveroo plus Or et ses avantages sur Deliveroo.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.

Le monde demain sur Chant de France et l'hymne 2025 des enfoirés. Gagnez 2025 euros avec le code gagnant Chant de France. Et pour ça, vous envoyez Chante par SMS au 7 10 36 pour tenter de décrocher ces 2025 euros en ce début d'année 2025. Je crois que tout le monde dit oui. Hein. Et pour envoyer votre SMS, voici le code gagnant, bien sûr, c'est le 45. Ce code gagnant, le 45. Bonne chance à toutes et à tous. Et bonne soirée avec les plus belles chansons françaises et sous les sunlights des tropiques à présent. On chante avec Gilbert Montagnier sur Chant de France. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est les plus beaux duos de la chanson française. Mylène Farmer, Jean-Louis Murat, avant de repartir en direction d'une nouvelle demi-heure de musique aux côtés de Richard Cotchante, notamment. Chante France. Les plus belles chansons françaises. Et le tout dernier réveil de la semaine avant le week-end. Demain, dès 5h, avec Mickaël Dorian, les matins Chante France, le réveil qui fait chanter, qui vous met de bonne humeur hein, pour le reste de la journée avec les plus belles chansons françaises. Côté rendez-vous, météo, info, l'horoscope, l'actu musique de Marie Letty. Puis côté jeu, à 8h10, le mot magique avec plein de cadeaux à la clé. Les matins Chante France de 5h à 10h. Clara Luciani, Richard Cotchante, ça c'est du côté de la musique sans interruption. Et ça repart durant une demi-heure sur Chante France, tout de suite après ça. Cette semaine, Chante France vous offre votre rencontre avec votre artiste préféré, Kenji. Si seulement j'avais su te le dire, sans avoir à l'écrire sur ma peau, si seulement. Bonjour, c'est Kenji Girac sur Chante France, les plus belles chansons françaises. Je te fais la promesse d'une vie de lumière. Jouez dès maintenant sur chantefrance.com et gagnez votre rencontre avec Kenji seulement sur Chante France. Home Schmitt Home. C'est les soldes chez Schmitt. Chaque début d'année, on a plein de belles idées pour améliorer son intérieur, mais pas forcément plein de solutions. Ça tombe bien, en ce moment chez Schmitt, vous avez jusqu'à 2000 euros offerts. Un concepteur expert vous accompagnera pour optimiser chaque pièce de la maison et créer avec vous plus d'espace dans le même espace, au millimètre près et au centime près. Schmitt, premier fabricant français. Voir références concernées et conditions d'application de l'offre en magasin. Date des soldes selon réglementation nationale. à tous ceux qui, petits, mangeaient leurs endives en se pinçant le nez et en pensant très fort au dessert. À ceux qui les refilaient à la cantine. Ton céleri rémoulade contre mes endives au jambon? Et aux mêmes qui maintenant disent que des petites endives braisées, c'est un délice, tu devrais essayer, hein. Patrice, pour tous ceux qui ont appris à aimer les endives, jusqu'à samedi, Intermarché propose le sachet de 1 kg d'endives Origine France à 1,89€. Et tous les week-ends, vous avez en plus 10% d'avantage carte sur tout le rayon fruits et légumes. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Catégorie 1. On est dimanche. Vous venez de vous réveiller et pour une fois, vous n'avez rien à faire. Aucun message dans votre conversation de groupe. Il ne vous reste plus qu'à penser à vous. Là, on est pas mal. Alors, vous décidez de commander un bon petit-déj sur Deliveroo et, tiens, vous avez jusqu'à 30% de réduction sur vos commerces préférés. Ça, c'est votre Deliveroo. Ah, là, on est bien. Offre disponible près de chez vous selon les conditions des commerces participants sur Deliveroo.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Qu'est-ce qui vous fait aimer l'hiver? C'est vous retrouver en survêt bien au chaud devant la télé? Même si, juste pour rappel, un survêt c'est surtout fait pour s'activer à la salle de sport, hein? Et si ce qui allait vous faire adorer l'hiver, c'est le confort du survêtement qu'on a sélectionné. Idéal pour faire du sport et aussi pour ne rien faire. Cette semaine chez Decathlon, le sweat ou le pantalon de fitness Adidas est à 28€ au lieu de 40, soit 30% de remise. Decathlon, élu marque préférée des Français dans la catégorie enseigne de sport. Les plus grandes histoires vous attendent sur Disney+. Que la force soit avec toi. Dernière chance pour profiter d'une offre exceptionnelle. Disney+ est au prix de 1,99€ par mois pendant 12 mois sans engagement. Offre valable jusqu'au 21 janvier sur l'offre standard avec pub. Résiliation possible à la fin de chaque mois. Voir conditions sur disneyplus.com. Cette année, ce sera pour Bérengère des lunettes pour voir clair. Ou pour Axel, des lunettes de soleil. Ou alors pour Martin, des lunettes pour voir loin. Et sinon du style, pour Barbara qui fait son cinéma. Jusqu'au 31 janvier seulement, Chin Chin Daflelou, ce n'est pas une, mais deux paires de lunettes de plus pour 1€ de plus. Et avec la carte cadeau, la troisième c'est comme vous voulez, pour qui vous voulez. Exclusivement chez Alain Flelou. Voir conditions en magasin. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien. 130 ans sur les routes, ça en fait des kilomètres en Skoda. Il y a ceux que l'on parcourt seul, enfin pas toujours. Coucou mon chéri, c'est Mamilou. Ceux que l'on partage en famille. Les kilomètres qu'on fait pour la première fois et ceux qu'on finit par connaître sur le bout des doigts. Parce qu'on en a fait du chemin ensemble, célébrons cet anniversaire. Pour fêter nos 130 ans, profitez de 2 mois de loyer offert sans apport sur toute la gamme Skoda jusqu'au 31 janvier. 2 loyers offerts après premier loyer en LLD 37 mois sur toute la gamme Skoda, si accord par Volkswagen Bank. Détails sur skoda.fr. Portes ouvertes ce week-end. Skoda. Pensez à covoiturer. Nouvelle année, nouvelle résolution. On s'attaque aux économies. Encore? Tu vas nous faire travailler dans le noir? Mais non, pas besoin. Avec l'offre promo d'Engie pour les pros. Et oui, en ce moment et jusqu'au 31 janvier 2025, bénéficiez jusqu'à 167€ hors toute taxe en changeant de fournisseur d'énergie et en souscrivant un contrat Activer électricité de 2 ans. Promotion valable sur le prix de l'abonnement pour la fourniture d'électricité. Hors paracheminement. Conditions sur pro.engie.fr. Plus d'infos au 3454. Service et appel gratuit. J'agis avec Engie. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Mais il est incroyable ce burger de... Lapin. C'est un burger de lapin aux petits oignons. Waouh, c'est remarquable. Ouais, oui, je sais. Le lapin, c'est bon et surprenant. Facile à cuisiner et riche en protéines avec le lapin, faites-vous remarquer. Rendez-vous sur lapinremarquable.fr pour varier les plaisirs. Campagne financée avec l'aide de l'Union Européenne. Leclerc, bonjour. Hello, est-il vrai que vos fish and chips sont en promotion? Si vous parlez des filets de Colin d'Alaska MSC fin 10 façon fish and chips... Oui, tout à fait. Je confirme que pour l'achat de 2, la troisième boîte est offerte du 14 au 25 janvier pendant l'opération de super pouvoir d'achat. Oh, formidable. Et pas besoin d'être anglais hein, pour en profiter. Ah bon? Oh ben, alors j'arrive. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. Conforama casse les prix pendant les soldes. Profitez de 40% de remise sur le lit Access 140x190, soit 89,99€. Alors rendez-vous vite en magasin et sur le site. Conforama, selon date des soldes et dans la limite des stocks, voir conditions sur conforama.fr. Tout de suite, les plus belles chansons françaises. Pendant une demi-heure, sans interruption. Sans interruption. D'amour, un coup, je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur du sapin. J'en dors plus, viens me voir demain.

France, les plus belles chansons françaises. Chante France, chante, chante France. Je tracerai des cercles autour de toi dans la nuit pour t'éloigner le mal et les démons de la vie. Chante France, il est 20h, une soirée ensemble avec les plus belles chansons françaises, ça c'est véritablement un beau programme. Dans cette demi-heure de musique, voici Julien Doré et Renaud. Les plus belles chansons françaises. Chante France. C'est pas...

ta bouche, coco naïf. L'océan me parle, la gomme bleue à l'eau saline sur tes lèvres parle, sur ta peau mélodie sublime, les dauphins du large ont le cœur trop big, spleen. Chantez les plus belles chansons françaises. Seulement sur Chant de France. Chant de France. Y'a comme un goût amer en nous. Comme un goût de poussière dans tout. Qui nous suit partout. Il y a des silences qui disent beaucoup. Plus que tous les mots qu'on avoue. Et toutes ces questions qui ne tiennent pas de. Change tout, évidemment.

rester dans l'indifférence et l'oubli. Que le monde se réveille, il est temps qu'on agisse. Éric Ogier. Chant de France. Les plus belles chansons françaises. Chant de France, les années 80 et Jeanne Masse, Johnny, Johnny. Olivier Leroux sur Chant de France. Profitez pleinement de votre soirée. De notre côté, on s'occupe de la musique sur Chant de France, bien sûr. Les plus belles chansons françaises en continu. Et ça continue avec, entre autres, Bonne Chose, Indochine et Jean-Jacques Goldman. Et puis demain, dès 5h, n'oubliez pas Le rendez-vous avec les matins Chant de France. Salut à toutes et à tous. Pour bien commencer cette nouvelle année, Chant de France vous offre 2025 euros avec le code gagnant. Toute la journée, écoutez Chant de France. Au signal de l'animateur, envoyez Chant au 71036. 3 fois 75 centimes plus prix d'un SMS. Débutez l'année avec 2025 euros. Seulement avec Chant de France. De prime abord, personne.